Alors on est toujours dans la manif de Rouen, je suis avec Aurélie qui a une pancarte, retraite, climat, même combat. Est-ce que tu peux expliquer ? Alors, pour moi, là, le mouvement, il est plus large. Je pense que la problématique des retraites, ça questionne l'avenir. Bon, l'avenir, là, moi, personnellement, je suis la moitié de ma carrière. J'ai appris dans les simulateurs des syndicats que j'allais toucher à 64 ans 1200 euros de retraite après 5 années d'études. Donc c'était un gros choc. Et moi, je m'inquiète plus que moi. Je m'inquiète aussi pour les générations, mes enfants. Je me demande quel avenir on leur réserve. Je suis très sensibilisée aussi à tout ce qui se passe au niveau du climat. Je participe aux manifestations régulièrement. Je pense que la problématique du climat questionne l'avenir tout autant que les retraites, tout autant que les jeunes, l'éducation. J'espère que les lycéens qui sont évidemment qui s'inquiètent pour leur avenir et puis les étudiants aussi. Donc je trouve que toutes les problématiques, alors tout ce qui fait que nous allons dans la rue en ce moment, c'est relié. Ce ne serait pas le capitalisme qui relierait tout ça ? Là-dessus, je partage votre lecture des choses. Voilà, je suis en train de dire Naomi Klein, le New Deal vert, et je suis en train de finir. Et franchement, ça me donne envie de me battre jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci.